pour ces solides chrétiens du faubourg Paulet habités par des pêcheurs, à Dieppe, France. Le culte catholique se célébrait avec beaucoup de solennité à leur chapelle de Paulet, en présence du sacristain, qui habitait dans le voisinage de la chapelle. Dans l'une des cinq semaines de recueillement, avant la Noël, avant le lever du jour, le sacristain entendit un son de cloche, et se leva rapidement se rendre à la chapelle, comme de coutume. Mais il trouva la porte fermée, et il n'y avait aucun bruit dans la chapelle, il ne faisait pas encore jour. Il se décide d'y entrer et déverrouille la petite porte de la sacristie. S'avançant vers le banc du chœur, par la lueur de la lampe qui brûle face au tabernacle, il voit un prêtre, à genoux devant l'autel, vêtu de la chasuble, en position de célébrer, se rendre à l'autel de Dieu. J'irai vers l'autel de Dieu, ma joie, mon allégresse. Tout est prêt pour la sainte offrande. Un des cierges de l'autel est allumé. Ce prêtre, inconnu, est d'une pâleur extrême. Ses mains sont aussi blanches que son vêtement, et ses yeux produisent une lueur comme un ver luisant au fond des orbites. Il parle au sacristain d'une douce voix mélancolique et dit « Servez-moi la messe ». La messe commence. Le sacristain obéit par une force irrésistible malgré la peur. Au lever Dieu, moment de l'élévation de l'hostie et la coupe, les membres du prêtre se mirent à trembler, comme le bruit des roseaux secoués par le vent d'hiver. « Oh, Seigneur, je ne suis pas digne. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » À la communion, le prêtre se frappa la poitrine par trois fois, dans un bruit d'une pelletée de terre jetée dans un cercueil. Lorsqu'il but la coupe, le précieux vin coula dans son corps, faisant un bruit de goutte de gouttière. Quand le prêtre dit « Allez, la messe est finie », et qu'il se retourna, il n'était plus qu'un squelette, qui dit au sacristain, son servant d'autel. « Je vous remercie, frère. J'étais prêtre dans mon vivant, et je devais cette messe à un mourant. Maintenant que vous m'avez aidé à acquitter ma dette, mon âme est libérée d'un pesant fardeau. » Le sacristain vit les habits sacerdotaux glisser doucement au pied de l'autel, et le spectre disparaître. Au même moment, le cierge s'éteint, et un coq chanta. Le sacristain replaça les vêtements à l'intérieur de la sacristie, puis il passa le reste de la matinée en prière.